2008. Un son de Arboto pour mes rares potos. 2008, nouvelle ère, nouveau flow revolver. Laisse ton terre, jette ton verre, oublie que t'es en galère. MC, va te faire, toi et tes rimes en fer. Va te faire, toi et tes rimes en fer. J'ai la plume en or, moi, ouais, c'est encore moi. C'est hardcore, quoi, vas-y, pousse-toi, mon rap, fais sa loi. Pisse sur la loi, sauf sur la loi du plus fort. Moi, je crois que le dance floor, et je fonce sur les ports. Envoie l'oseille, échange de décor. Avec moi, sois d'accord, ou c'est le corps à corps. Tant que je serai pas mort, je te baiserai encore et encore. Moi, c'est Nostra, hardcore, hormis Allah, personne je n'adore, personne je ne crains. Lui seul peut me mettre un frein, j'suis trop fin. Moi, j'suis plein de fun, bats les couilles, tu portes plainte. J'ai les couilles pleines, toujours prêt à purger une peine. Tous ensemble, on baise le pen. Et tous les le pénis dans leur mêle, pénis dans leur gique sur l'iris. Moi j'ai trop de lyrics, dis ce que j'ai à dire, j'calcule pas les risques. MC, t'aimerais que j'rappe sur ton disque, pour qu'on dise que ça tue. J'prends le mic et tous les rappeurs se tuent, tous les rappeurs saturent. J'suis là pour le meilleur, c'est sur Nick Saras le refrain, y'a pas de fin, j'ai trop faim. Voilà un son de requin pour les Algériens, Tunisiens, Marocains, ceux qui marchent en requin. Bah la race du son ricain, j'ai le son qui nique. 200-300 000 albums et j'm'éclipse, hein, bientôt Inch'Allah. Avec ma clique dans des clips, bien évidemment. Qu'on est des chiens grands comme des dogs allemands, évidemment qu'on a le manche. Qu'on préfère le sortir plutôt que faire la manche. Car faut qu'on mange du lundi au dimanche, y'en a qui vendent la blanche. J'touche pas ça à moi, j'préfère faire des nuits blanches sur ma feuille blanche. J'baise l'instru, j'ai le coup de hanche, lâche mon flow comme des coups de hache. Fume plus de hache, bois plus de hache, mais j'ai toujours ce même rage. Respecte les anciens, car on n'a pas le même hache. Par contre les rappeurs, je les envoie faire un stage. Moi je suis trop vrai, immunisé contre leur clash. Sache qu'un OST rap, personne ne l'aura tant qu'Allah ne le permet pas. Moi je mords pas à la page, j'arrive au top. Les MC se démodent comme Kappa du MIC. Je m'accapare faire la carbat avec Kappa. La rue veut du rap qui lui ressemble sur une prod a cappella ou sur un sample. UVSS, UVSS, UVSS. C'est la relève qui relève le niveau. De la rue on élève, nous on nique les rivaux. On fait cracher nos stylos avec un style qui nous est propre. Un style pro qui te défonce, même si t'es sobre. Si tu veux t'ouvrir les veines, je t'offre un sabre. Sur l'instru je m'amuse, je fais des roues avant je cabre. Je suis pas encore connu, mais dès que ça sera le cas, l'industrie du disque fera des découvertes macabres. Le client ne pourra plus se passer de ma cam. Quand je prends le mic, ben c'est pas chaud, ça crame. Tu t'excites, je te remets en place, je te calme. Y'en a qui souhaitent que je rende la mise en cas sorti. Les armes et arrêter de faire zarme. Avec le rap de ZML, sont plus marrants que Jamel. Ils ont vendu de lamel, frappé des demoiselles. Et ça se prend pour des hommes, c'est que des homos. Ils me font peine, c'est clodo. Ho, je vous lâcherai des textes, les votes sont zéro. NOS, rap, personne ne vaut mon argot. Ho, ho, ho, ho.